I can smell what you're looking for, baby. You need a big old chunk of that downtown free-for-all, don't you, baby? Yeah! What I say! Ooh! Dig it! Ha! Never before have I turned on you. You look too good to me. Your beady eyes coming in too. I just can't let you be. And it's a free-for-all and a hearty say. You can bet your life. Sticks are high. So where am I? Cause you need help to die. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture. Vous venez d'entendre le bon vieux Ted Nugent avec ce Full Blontal New GT, cet album live enregistré sur la scène de Détroit le 31 décembre 2000, tout simplement pour passer l'année avec l'oncle Ted. Et ce morceau qui était Free For All, un des classiques de la du début de la carrière solo de Ted Nugent, un excellent guitariste, une énorme énergie. On retrouvait Marco Mendoza à la basse pour l'accompagner. Grosse sortie de ce mois de novembre 2023. Il s'agira du dernier album de Rival Sons, Lightbringer, qui fait suite à l'album qui est 6 titres qui était sorti au mois de juin, qui s'appelait Dark Fighter, qui se voulait peut-être un poil plus sombre, un poil plus, on va dire peut-être rock également. Ici, on fait plus la part belle à l'émotion, comme sur ce morceau Mercy qu'on va envoyer tout de suite. Encore une fois, magnifiquement écrit, joué et composé par le duo Scott Holiday et Jay Buchanan. C'est pour débuter Overdrive Radio Duo. Now réellement excellent que ce dernier album de Rival Sons, Lightbringer, avec le morceau Mercy. Vous écoutez toujours Overdrive, radio duo de la bonne musique, tout simplement, avec Cobra Spell, ce groupe féminin de hard rock heavy metal, qui nous sort là son premier album. On retrouve la guitariste Sonia Anubis, qui a fait partie de Crypta, et puis il me semble également de Burning Witches, des groupes donc entièrement féminins. Et on retrouve, sorti sur le label Napalm Records, ce premier single qui s'appellera S.E.X. Je vous laisse deviner le thème des paroles tout de suite par Cobra Spell. Tell me that you are next. d'entendre le groupe Redshift Empire, Redshift Empire, avec son dernier album New Horizon. Leur premier album s'appelait Duality, il était sorti en 2018. Le groupe s'appelait alors Redshift. Ils ont décidé de changer de nom pour devenir The Redshift Empire. Leur musique se veut maintenant plus moderne et peut-être un peu plus diversifiée également et personnelle. C'était extrait donc de cet album New Horizon, le morceau Asteroids. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Dio. Il est temps de passer à ce projet Lalou qui vient de sortir son dernier album sur le label Frontiers Records pour tous les amateurs de rock progressif. places are joined to each other. Hiding places are wrong, not recoverable. Voilà pour Lalou, cet excellent groupe de rock progressif qui fera plaisir aux amateurs du style, qu'ils soient rock, metal, progressif, de très très bonnes parties de guitare. On va aller sur des terres relativement différentes maintenant avec Sangfroid qui nous sort cet album All Nighter. Donc on est beaucoup plus proche d'un goth rock, d'un cold wave, de groupes comme les Sisters of Mercy ou même Depeche Mode, Dead Can Dance, tout de suite avec une prod assez froide et teintée d'influence 80s. Extrait de cet album All Nighter et par le groupe Sangfroid, ce sera le morceau Eternal Light. Stand, we got your scars. Voilà pour le groupe Sans Froid, Eternal Light, extrait de cet album All Nighter pour une ambiance froide des plus exquises. On continue maintenant avec ce super groupe que j'adore particulièrement, Evergrey. Evergrey nous revient avec un album un peu condensé, un peu qui fait la jonction entre deux albums studio. On y retrouve des versions démo, des face B, du live, et notamment ce morceau Recreation Day, enregistré sur la dernière tournée en date, qui nous ramène à l'automne 2022 du côté de Lyon. Donc ça fait plaisir d'entendre une version live sortir officiellement enregistrée par chez nous. Et on s'envoie ça tout de suite sur Overdrive Radio Dio avec Evergrey en live avec Recreation Day à Lyon. Just as old as Henrik, it's 19 years old. We actually recorded a live version in France of this song, an acoustic live version, which was on the album In the Circle, I think. But this song is called Recreation. What? Recreation. Recreation! Recreation! I don't think you know what it's called. I know what it's called. It's called Recreation Day. Thank you so much. Reminds me again. Will the road dream? Vous venez d'entendre le dernier album de Therion Leviathan Part 3 avec Ruler of Tamag, un album qui se concentre plus sur l'aspect, on va dire, plus épique avec des longues pièces pour Therion. Donc chaque, on va dire, partie de ce Leviathan était constituée d'une, on va dire, différence, d'un différent aspect de la musique de Therion. Le premier était un peu plus direct, le deuxième peut-être plus mélancolique, et ce troisième se veut peut-être plus épique sur de longues pièces. On va passer maintenant un peu de musique stéphanoise. Vous le savez, Overdrive Radio Dio organise une on va dire thématique cette semaine pour la sortie de ce coffret Furania qui célèbre de la musique enregistrée, de la musique indépendante enregistrée à Saint-Étienne des années 1980 à 2020. Donc j'ai ressorti deux albums pour fêter l'occasion. Déjà dans un premier temps le groupe Evolution avec son premier album paru en 2015, ça s'appelle Children of Eight, un très très bon disque de heavy metal traditionnel enregistré chez le père Freddy Krueger, et ce sera suivi de quelque chose d'un peu plus extrême avec Winds of Torment et son album Delighting in Relentless Ignorance. Pour une petite intermède musicale avec Evolution et Winds of Torment, deux groupes stéphanois. Et oui, on a eu et on a toujours de l'excellente musique qui est produite dans cette ville. 22h30, Overdrive, Radio Duo, il est temps de passer maintenant à du thrash metal avec le groupe Sodom qui nous revient avec son dernier album, mini-album en date, ça s'appelle 1982, donc maintenant sous forme de quatuor avec le retour de Frankie Blackfire, le père, Tom Angel Reaper revient aux racines. Sodom dans Overdrive Radio Duke, ça fait du bien d'entendre un peu de thrash old school comme ça. On continue toujours sur Overdrive avec maintenant quelque chose d'un peu plus peut-être moderne, symphonique, on va dire doom également, avec ce groupe Ghost of Atlantis sorti sur Armor Art Records. On va envoyer ça tout de suite avec Empires Burn at Dawn, tout de suite Overdrive Radio Duo. Il est 22h passé de 35 minutes. We'll be right back. Voilà pour le groupe Ghost of Atlantis. Certaines influences me rappellent même un certain ICS Vortex dans Dimmu Borgir. Emergent Evolution par le groupe Obscura qui nous sort cet album live. Ça sort sur Nuclear Blast. Ça s'appelle A Celebration Live in North America pour un style de death metal technique. On les retrouvera également du côté de Lyon début d'année prochaine, il me semble que ça sera au mois de mars. On aura bien sûr le temps de vous en reparler. Ça se passera au CC, à la MJC Autotem le 21 mars prochain. Vous retrouverez Cynic, Obscura, y compris Cryptosis. Voilà pour une belle affiche pour tous les amateurs de tech def. Pour l'heure, on va s'envoyer Emergent Evolution par le groupe Obscura sur scène du côté de l'Amérique du Nord. Voilà pour le groupe Obscura que vous retrouverez sur la scène de la MJC au Totem le 21 mars prochain. On va continuer et terminer l'émission avec Wretched Empire par le groupe Morn, extrait sorti de cet album, sorti sur le label Metal Blade Records. On rappelle le www.radioduo.org, le www.facebook.com/overdrive-radio-duo pour retrouver tous les podcasts des émissions et notamment les références si un morceau vous a plu. On se quitte sur cette longue plage musicale avec Morn pour vous souhaiter un week-end qui, je l'espère, ne le sera pas et qui sera tout simplement plein de bonne musique. Merci, ciao, bye bye.